et donc qui sont poussés à l'exil, assassinés. Il y a énormément de leaders sociaux assassinés en Colombie. C'est un vrai carnage depuis l'accord de paix avec les FARC. Il y en a entre des centaines, plus de 500 qui sont fait assassiner en moyenne, donc non, presque 700 en fait, parce qu'il y a une moyenne d'un assassinat tous les deux jours et demi. Certaines régions sont plus touchées par la chose, etc. Et donc c'est intéressant d'aborder ce thème-là avec ce jeune garçon qui a aujourd'hui 19 ans, qui s'appelle Andrés. Parce que son histoire est totalement liée au conflit qui existe en Colombie, mais il a un regard totalement neuf. Ayant grandi ici, il a un regard totalement neuf sur son pays, mais l'histoire qu'on raconte est la sienne. Et ce qui s'y passe est son histoire. Il est le fruit de cette histoire. Donc c'est très intéressant. Et puis c'est un jeune homme très éveillé, très intelligent, passionné par plein de choses, très humain, qui a une capacité de mettre des mots sur ses émotions avec une certaine facilité. Et voilà, ce qui nous fait un très beau protagoniste et qui nous permet de raconter ses histoires par son regard à lui. Et donc, tu repars en Colombie bientôt, alors ? C'est ça, en juillet et août prochain. Pour continuer le projet du film ? C'est ça, voilà. Okay. On va tourner la deuxième partie du film avec Andrés. Ok. Et c'est un super projet, alors. C'est un très beau projet, ouais, qui me tient très à cœur et qui nous tient très à cœur, à Andrés et à Cynthia Carangua, qui nous accompagne aussi pour faire de l'image et du son. Le film, jusque-là, je l'ai tourné seul, avec une caméra. J'ai une petite formation qui me permet de pouvoir prendre le son, faire de l'image, etc., et même du montage. Voilà. Mais ici, on agrandit un peu l'équipe. Donc parce qu'on se donne les moyens, on essaye de se donner les moyens de faire grandir ce projet. Et donc Cynthia nous accompagne en plus, Andrés et moi, pour mener ce projet à bien et tourner là-bas. Et voilà, donc l'équipe s'agrandit et c'est nickel. Super. Et tu fais un appel à don. Enfin, argent. Voilà, c'est ça. On vient gratouiller dans les poches. Non, dans les poches de tout le monde, de ceux qui ont un peu de moyens. Le problème avec ce genre de film, évidemment, ça coûte cher. Jusqu'ici, donc le premier voyage a été autofinancé. J'ai eu l'occasion d'y retourner l'été passé, continuer à tourner des choses sans Andrés, seul cette fois-là. Grâce au comité de défense des droits humains Daniel Gillard, qui se trouve ici à Bruxelles et qui travaille énormément, qui fait un superbe boulot de solidarité avec la Colombie. Et cette fois, on se donne les moyens, on a un certain matériel à acheter en plus, on a les trois tickets d'avion, etc. Et nos moyens personnels ne nous permettent pas de le financer. Du coup, on passe par ce qu'on appelle un crowdfunding, un financement participatif, voilà, pour permettre à ce projet de pouvoir continuer. Et pardon, on demande un minimum, la somme qui est demandée ne nous permet même pas de rentrer totalement dans les frais du tournage, mais c'est une grosse aide. Voilà, ce film, souvent quand on fait des demandes de subsides, etc., pour pouvoir faire un film, il faut attendre des mois, des années, parfois, enfin, de chercher, faire des dossiers, des trucs. Ça, c'est moins mon délire, je préfère être en train de tourner, etc. Donc on essaye de trouver des moyens dérivés pour pouvoir faire aboutir ce projet. Ok, et il y a aussi une soirée de soutien. Exactement, une après-midi. Une après-midi de soutien. Qui se passera donc à la Maison de la Paix ce dimanche, 9 juin, de 13 à 22h. Et donc tout le monde est le bienvenu. La Maison de la Paix se trouve rue Van Helewijk. C'est à deux rues, enfin à 200 mètres de la place Flagey. Ah oui. Et le crowdfunding, il faut chercher où pour pouvoir accéder à ton crowdfunding ? Il se trouve sur une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank, qui est une plateforme de crowdfunding assez connue. Donc sur cette plateforme-là, si vous tapez le nom du film qui s'appelle Rêver les montagnes, vous le trouverez. Ah, ok. Ouais. Et alors, bah, on espère. Hein. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui se va passer dimanche ? Vous prévoyez quoi ? Alors, un super barbecue, ouais. Ah bah voilà, des bières, il va faire super beau, il va faire super beau. J'ai un cousin éloigné qui travaille à la météo, donc il m'a certifié qu'il fera superbe. Et donc, voilà, et puis des animations, il y aura un peu d'animation pour les enfants, des amis qui vont venir jouer de la musique, plein de victuailles et toutes sortes de belles choses. Entre 13h ouais. Et 22h. Et 22h. Ouais. Ben, on va faire du tam-tam pour dire aux gens de venir. Faisons du tam-tam. Faisons du tam-tam. Ok. Tu as encore autre chose à rajouter ? Alors, Serge ? Non, moi, j'attends quelque chose après. Ah ouais. Vous voulez poser une question ? Non, mais peut-être tu avais déjà dit hein, comment ça se fait que tu as fait des connexions avec Colombie. Pourquoi toi, tu es moi, investi c'est, là-dedans. C'est ouais. Une histoire qui remonte maintenant à... Ça fait 11 ans, par une rencontre. Une rencontre avec d'abord la maman d'Andrés, qui est le personnage du film, qui était collègue de travail à la commune d'Ixelles. Pardon. Et donc, à ce moment-là, j'avais acheté un bouquin. Je ne connaissais rien à l'Amérique du Sud, mais j'avais acheté un bouquin qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine, qui retrace l'histoire de l'Amérique latine, des conquistadors, de l'arrivée des conquistadors à nos jours, de Galliano. Et donc, je lisais ce bouquin, et puis elle me dit, elle vient de la Colombie, donc je commence à poser des questions assez générales sur le continent d'abord, et puis vite. Assez rapidement, mes questions se sont dirigées vers la Colombie et Lucero, cette dame qui s'appelle Lucero, a commencé à me parler un peu de ce qui s'y passe, etc. Ensuite, elle m'a présenté à son compagnon et je me suis mis à passer de plus en plus de temps avec eux, des longues soirées chez eux, avec quelques bières, à discuter, à poser plein de questions. Ils ont été très très patients vis-à-vis de mes questions et ils m'ont expliqué les choses avec beaucoup d'amour. Et donc ma curiosité pour ce pays a commencé vraiment à naître. Et puis ensuite ils m'ont présenté des gens. En fait, souvent quand des personnes, il y a donc toujours ces défenseurs des droits humains ou leaders sociaux, etc. Lorsqu'ils sont en danger en Colombie, il arrive que par des associations, des organisations ici en Europe, ils sont envoyés pendant quelques mois ou plus en Europe en attendant que la situation se calme là-bas, s'ils sont victimes de menaces de mort et des choses comme ça. Donc ils ont commencé à me présenter ces gens-là. Et en 2012, donc je faisais de la photographie. Et en 2012, on a organisé un premier voyage là-bas de 3 mois et demi pour faire un travail photographique sur les mines d'or artisanales. Et donc, j'ai passé 3 mois et demi là-bas et j'en suis pas revenu indemne, quoi. Ce pays m'a accroché et ces personnes qui sont aujourd'hui, que je considère comme réellement des gens de ma famille, des parents, tout ce qu'on veut... il m'a été important ensuite de raconter leur histoire, etc. C'est pas l'idée n'est pas de les faire passer pour des héros ou quoi que ce soit, c'est de montrer, c'est à travers leur histoire montrer que y a énormément de gens qui vivent cette situation en Colombie. Eux ont terminé exilés, ils sont pas passés loin de se faire tuer. Et énormément d'autres se sont fait tuer ou sont exilés ou sont emprisonnés, etc. Moi, c'est pour ça que je te demande, parce que c'est vrai qu'il faut avoir un lien de confiance et même pour faire un tournage en Colombie, ça ne doit pas être vraiment facile. Bon, j'ai passé aussi en Colombie et c'est vrai qu'on a assez vite des réticences des gens pour parler politiquement. Parce qu'on ne sait pas à qui on parle et on a quand même surveillé. Ouais, en Colombie. Énormément. Donc, c'est pour ça que je me pose un peu cette question-là. Ouais. Mais effectivement, en Colombie, il faut éviter, on ne sait jamais sur qui on tombe, et il faut éviter de parler de politique à n'importe qui. Ce qui me permet aujourd'hui de faire ce film, c'est le fait que ça fait 10 ans que je suis lié à tout ça. Au début, en tant qu'observateur, puis au fur et à mesure, je me suis un peu plus engagé dans tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir la confiance de certaines personnes, etc. Donc c'est vraiment... Si aujourd'hui, il y a une possibilité de faire un film là-dessus, c'est parce que, sans le savoir évidemment, pas en attente de quelque chose, mais 10 ans auparavant, j'ai fait cette rencontre et je me suis mis dans ces trucs-là. Oui, ça, je peux comprendre, mais juste avoir la sécurité de toi-même aussi, pour pouvoir faire un genre de film comme ça, ça ne va pas être évident. Sécurité sur place ? Oui. Le risque zéro n'existe pas. Après, on fait très attention. On fait très attention et on fait très attention. Oui, d'accord. Ouais. Je ne vais pas donner plus de détails, mais c'est juste... C'est pas sans risque de faire de... Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui, moi j'aime beaucoup le terme d'exilé, plutôt que de parler de migrants. Parce que quand on parle souvent de migrants, alors qu'en fait, les migrants sont à peu près toujours des exilés dans ce cas-là. Dans le cas où on fuit la guerre, on fuit les meurtres de masse, les escadrons de la mort colombiens. Et donc, c'est vraiment de l'exil et c'est pas de la migration. J'aime beaucoup. On en viendra après. Moi, c'est Bruno, en fait, de Nobordard. Je me présente. Je suis désolé, j'interviens pour la première fois. J'aime beaucoup ta manière de parler d'exilés plutôt que de gens qui ont migré vers... Ils fuient une chose qu'ils auraient préféré ne pas fuir. Je suis aussi attaché à ce terme et je trouve que dans le mot exil, il y a une notion de non-choix. Il y a une notion de... On retrouve une notion de... c'est un mot qui nous dit qu'il reste un attachement au pays qu'il y a une obligation, c'est ça. L'envie de revenir, si tout va mieux, mais le plus vite possible, que c'est là les racines, c'est là la famille, c'est là... C'est là la culture, c'est là le bonheur quelque part. Et c'est souvent un bonheur perdu que les gens fuient. Hein. Et j'aime beaucoup la notion d'exilé plutôt que de migrant. Merci. Et il y a aussi quelque chose, donc ces défenseurs des droits humains, ces leaders sociaux, etc., donc luttent pour améliorer le futur de leur pays, et donc luttent par amour pour le peuple qui vit, et tous ceux qui sont traités en citoyens de seconde zone, donc les paysans, les afrodescendants, les indigènes, etc. Et donc ces gens donc qui sont prêts parce qu'ils risquent leur vie au quotidien pour leur pays, finalement ce sont les vrais patriotes entre guillemets, ces gens-là finissent par devoir quitter le pays. Donc il y a une phrase que j'ai écrite un jour que j'aime beaucoup qui dit comment quitter un pays par amour pour lui. C'est ça, c'est quitter un pays par amour pour lui. Comment on pourrait quitter une femme ou un homme par amour, c'est ça. Et c'est ce qui me fascine chez ces gens. J'aime pas la notion de héros, mais c'est réellement des héros, quoi. Tout à fait. Ok. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, à moins que tu aies encore autre chose à rajouter. Non, parce que venez tous à l'événement qu'on organise dimanche, entre 13 et 22 heures, rue Van Neelewijk 35. À la Maison de la Paix. À la Maison de la Paix, qui est un très bel endroit. Et soyez les bienvenus. Vous pourrez retrouver l'événement sur Facebook, du coup. Oui, quand on n'a pas Facebook, on ne le trouve pas. si on n'a pas Facebook, on est foutu dans ce monde. On est complètement foutu. On est complètement foutu. Moi, je suis foutu parce que je n'ai pas Facebook. Oh, Nicole. Mais toujours sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Rêver les montagnes, Soñando las montañas, le film. Et voilà, et vous pouvez vous joindre à cette page et suivre l'avancement du projet. Et puis, lorsqu'on sera en tournage, on y postera des photos, etc. Voilà. On aura sûrement des nouvelles par Angèle et Hugo. Bien sûr, vous en aurez sûrement pas. Mais tout le monde n'a pas des aussi beaux contacts. Super, merci Jonathan merci d'être passé. Merci pour votre invitation. Moi, je veux en revenir à notre bon souvenir, quand même. Oui. On en a parlé là tantôt. Ouais. Donc, on se rappelle que tu étais quand même un rappeur humaniste. Tu te rappelles de ça ? Oui, bien sûr. Donc, tu m'as dit que si tu voulais. Bien sûr, je veux bien faire un petit acapella. Ça s'appelle Au chien. Ça fait. Je connais mon taf, il pense à temps plein. Un moyen, pas une fin, une délivrance, pas un tremplin. Je suis le fruit de l'errance comme une bande de chiens. Plus habitué aux conséquences qu'aux solutions, un chien qui pisse sur vos murs et dans vos têtes, dans des lettres ouvertes et vos règles, creuser le fossé entre votre monde et nos rêves, et je me perds comme une putain triste taciturne car pas confiance en vos certitudes. J'écris quand la force m'envahit, chien taiseux qu'on ne reconnaît qu'à ses cris et aboiements, chien sans maître, chien sans laisse déjà loin, loin de votre conception de frontière, pas un chien de compète, plutôt chien de romance, un chien qui se fout éperdument de vos performances, en fait, chien qui a du flair, chien qui pisse sur vos aberrations et critères de réussite, vos appellations, pipolisation en créant ces allitérations et utopies, chien qui pisse sur votre notion de justice, un chien de comptoir avec quelques élans d'esprit, un chien qui sait prendre son temps, suivre la bonne piste, attendre que ça sorte sans se demander quand. Viser les bonnes cibles, les viser bien, c'est viscéral. On sera éternel, je me ferai la belle sur bande originale. Thomas Newman, un chien ça tombe, sans même qu'on le plombe, je reste un animal dans mes travers. Même si les promesses étaient moins maigres, je me violenterai pas pour leur plaire. Un chien qu'on chasse à coups de cailloux, un chien en coude à coude, un chien par coup de grisou, chien en dalou, chien qui mise trop de fois. Chien de nuit, lune froide, de la défaite, la beauté en sort plus vaste. Ils ont cru en l'échappatoire. J'ai des mots qui me restent coincés entre le plexus et le bavoir. Y a pas de demi-mesure, peu de choix, de posture entre donner de soi-même et recevoir. Rappelle-toi, on a une histoire, peut-être même plusieurs. Tête froide, haut le cœur, ligne de départ. Fait pas bon d'être un chien sans mémoire, d'avoir l'impression de l'abandon. Chien de quai de gare. Merci Radio Air Libre, merci Tranche d'Anard. En plus, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une corrélation quand même terrible avec votre émission quand même. Parce qu'on termine toujours par un chien qui va pisser quelque part. Donc, et ça c'est souvent ça. Aller faire pisser votre chien sur le mur de la prison. De n'importe quoi. Ouais, sur le mur de prison, ouais. C'est une bonne corrélation en tout cas. Et on pense à Axel en fait aussi. Parce que ouais, est-ce que tu fais le même genre de rap en espagnol? Ah non, je ne maîtrise pas du tout assez si tu entendais mon accent. Même parfois, j'ai honte de prononcer certains. Genre le J et le R en espagnol, je suis foutu. Ok. Merci Jonathan, c'était super. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'est super cool. Prie. Merci à bientôt. Merci en tout cas. Merci. Magnifique. Les ancrés dans la démocratie ne sont pas à l'abri d'un assassinat. Même les chefs des États. Peur, horreur, vent, le panique sur la terre. Au cœur d'une des plus grandes, des plus hautes sphères. À force, on est déchaîné, vient de s'emparer d'un énorme Big Boss et de tous ses laquais. Armés jusqu'aux dents, prêts à tout faire exploser. Pas dégonflé, ils commencent à revendiquer. Lueur d'espoir dans les cercles du pouvoir. Le nouvel illuminé commence à négocier. Comment ça négocier? Forcément, au début, on le prend pour un con, lui et sa révolution. Au fur et à mesure de nos fornications, tout le monde change de camp. Il n'est pas aussi fou pour bien le montrer dans cette salope de télé. Lui veut juste le droit, putain qu'on l'écoute pour une fois. Prise d'otage au pouvoir, pour hisser le pavillon noir. We'll be right back. Merci Jonathan. Et on lui souhaite beaucoup de succès. Et beaucoup de sous et beaucoup de succès. De succès. De succès. Donc nous allons aller vers ma gauche. Nous avons deux personnages, Bruno et Laurence. Et ces deux personnes ont créé une ASBL qui s'appelle Ça s'appelle No Border. No Border. Faut prévenir. Et alors, vous pourriez nous dire ce que c'est ? No Border. Bon, ben écoute, No Border. C'est en fait un truc qu'on a créé un peu en réaction avec tout ce qui se passait au point de vue montée d'extrême droite, de fascisme. C'est un peu difficile à répondre comme ça. On l'a fait par passion, en se disant l'art a plein de choses à dire. Et ah, de quoi monter aux barricades sans monter des barricades nécessairement. Et là, je vais laisser un peu Laurence parler parce que je crois qu'elle a des trucs à dire. Bonjour. Nous sommes nous-mêmes artistes. Et donc, on s'est dit que ce n'était pas toujours facile de trouver un endroit pour vraiment dire ce qu'on avait à dire sans être directement censuré, voire stigmatisé, bref. Et c'est comme ça que notre projet est né, c'est qu'on s'est dit, on va offrir un lieu où, justement, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de censure. Tout est possible à partir du moment où ça va avec des valeurs qui correspondent évidemment à nos valeurs. Tout n'est pas... Ça doit correspondre à nos valeurs. Et donc, toute forme d'art, pour nous, c'est une manière de s'exprimer sur le monde, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur ce qui nous fait peur. Si le climat actuel est clairement anxiogène, il est carrément flippant, c'est un endroit où on espère pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et on espère qu'on aura un impact sur ceux qui viendront aussi voir ce qui s'expose. Il n'y a pas que des expos d'art plastique, il y a des concerts, il y a des projections de films, il y a des performances. Vraiment, No Border, c'est vraiment toute forme d'art sans frontières. Donc, voilà. Et vous avez créé votre association il y a combien de temps ? Oh, ça fait une petite année, un peu plus qu'un an qu'on a créé ça. Je rebondis un peu sur ce que Laurence vient de dire, parce que Jonathan, lui, il va bientôt s'en aller, et donc on a envie directement de l'inviter à participer, à venir montrer des trucs Et ça va rentrer tout à fait dans la prochaine exposition qu'on va organiser, qui va être Nos visas pour le monde. Visa pour le monde, c'était une émission des années 70-80. Non, quand même, je n'étais pas encore né en 60, hein, n'exagère pas. Quoi. Voilà. Mais donc, 70-80, c'était une émission qui montrait le voyage comme une chose tellement merveilleuse, tellement belle, tellement enthousiasmante, découvrir le monde, c'était avec le bon esprit post-colonialiste encore. Voilà, Mobutu, quoi, gentil, et tout ça. Et 67, t'as été voir. Oui, mais ça se finit quand ? En 84. Voilà, donc plutôt 70-80. Voilà, on est d'accord. On va pas commencer une polémique à la con. Ok, merci. Moi, je suis pas d'accord. Non, t'es pas d'accord ? C'est bien. On est un transgenre. Soyons pas bien. D'accord. Mais donc, on avait envie de mettre, parce que c'est une expo qui va commencer à la mi-juin. On s'est dit, mais tiens, on fonctionne beaucoup avec des thématiques. Et là, on s'est dit, mais on aimerait bien mettre en confrontation ce tourisme de masse qui fait bouger, mais carrément, des centaines de millions de personnes. J'ai regardé un peu les chiffres. Aujourd'hui, il y a 1,4 milliard de personnes qui partent de manière internationale faire du tourisme. Tandis qu'il y a 200 millions de personnes qui habitent à l'étranger en tant que migrants. Donc ça veut dire qu'on est dans un ratio ridicule quelque part, avec un pognon bête qui se claque en tourisme, à contrario, des millions de personnes, c'est vrai, mais ce qui n'est à l'échelle des 7 milliards de personnes que porte la Terre, rien finalement. Qui galèrent pour essayer de faire 5000 kilomètres parce qu'ils n'ont pas de visa, parce qu'ils n'ont pas de carte visa, parce qu'ils n'ont pas de... Donc voilà. En gros, cette expo qu'on compte mettre sur pied, qui est mise sur pied d'ailleurs, va un peu montrer cet antagonisme, cette quasiment obscène entre le tourisme de masse qu'on promeut partout et cette impossibilité pour d'autres gens de bouger dans le monde parce qu'ils n'ont pas la bonne nationalité, parce qu'ils n'ont pas le bon passeport, parce qu'ils n'ont pas le... Mais par contre, ils auront éventuellement le nom d'exilé, comme disait Jonathan, et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mais Laurence a envie de parler, je vous la laisse. Et aussi par rapport aux réactions des personnes ici, qui pensent en fait que nous sommes envahis, parce qu'il y a quand même cette réalité de pas mal de monde qui pense qu'en fait, non, c'est pas possible. Il faut être ouvert, mais en même temps, c'est pas possible d'accueillir autant de gens. Et en fait, les chiffres sont carrément assez dérisoires, en fait, quand on voit ce qui se passe par rapport aux personnes qui s'exilent, quoi. Sans compter tout ce qu'elles vivent et le pourquoi de l'exil. Donc, voilà. C'était vraiment... On n'a rien contre le fait qu'on parte en vacances. On part, je pense, nous aussi en vacances, et je suis sûre qu'il y en a plein qui partent en vacances. Ce n'est pas la question de remettre en question le fait de partir en vacances. C'est un peu de remettre en question le fait de l'accueil par rapport à ces personnes qui, en fait, au bout du compte, n'ont certainement même pas envie d'être là, en fait. Et qu'on est en train de chasser, chasser, mais de manière... je vais utiliser un terme horrible, mais nazi. Pour moi, c'est vraiment ça qui se passe actuellement, quoi. Donc, je trouve ça assez effrayant et j'aimerais bien que les gens se rendent compte de ça, de cette réalité-là. Qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a une possibilité d'accueillir toutes ces personnes. Et qu'en fait, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous sommes manipulés et simplement, il faudrait un peu qu'on s'en rende compte. Bon, elle me redonne le micro un peu au pied levé, comme ça. Oui, bon, attention, voilà. Je nous présente aussi de manière plus générale. On s'appelle donc Nobordar. Et on essaye d'aller beaucoup plus loin dans toutes les problématiques de l'humanité. Donc, on voudrait Nobordar, on s'inspire fatalement de Nobordar. Donc, on essaye d'éliminer les frontières entre les genres, entre les cultures, entre les frontières elles-mêmes, entre toutes les frontières en fait, les âges, les générations, tout en fait, on essaye de remettre l'humain à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire l'être humain et qui est la solidarité qui se crée partout et que la rencontre, merci de me souffler pour se rendre. C'est de la triche, moi il n'y avait personne pour me souffler. Il n'y avait personne pour t'aider. Mais nous ça fait 10 ans qu'on est amoureux. Ah, c'est pas... alors tout est excusé. On a eu le temps d'en parler. Et donc voilà, c'était un peu le but du jeu en créant Nobordar, c'était de créer un endroit qui ne rechigne pas à ouvrir cette porte à tout un chacun qui a envie de s'exprimer et qui a des choses belles et fortes à porter. Et puis bon, on a aussi un peu, bon, je le dis, on a un peu toute la place dans Tranche d'Anard, parce que quand même, on est quand même un petit peu né dans cette Tranche d'Anard, quoi. Voilà. J'avais juste une question, parce que tantôt vous disiez que vous êtes censuré comme artiste. Est-ce qu'il y a vraiment à Bruxelles, dans le milieu artiste, un vrai censure sur ce sujet que vous parlez maintenant ? Ça, là, je vais laisser Laurence parler parce que c'est plus elle, l'artiste de la bande. Mm-hmm. Je pense qu'en fait, il y a une censure. Alors, j'ai ressenti la censure beaucoup plus en France. Mais là, en même temps, bon, alors moi, c'est pas nécessairement en rapport avec ce sujet en particulier. Moi, c'est en rapport avec un sujet que tout le monde aime, mais... faut surtout pas trop en parler, c'est le sexe. Je suis sculptrice en fait et je parle pas mal de sexualité et effectivement on me renvoie des choses. Bah en fait je suis complètement stigmatisée et j'ai été censurée sur notamment Facebook hein, pour pas. Donc oui il y a de la censure et en fait je pense que dès que nous sommes un peu ouais, le sexe, c'est d'office quelque chose qui va être censuré de manière visible. Je pense que des sujets comme nous avons abordé avec nos visas, ce n'est pas aussi visible, mais en même temps, c'est bien présent. Je vois très très bien les discussions autour de ça. Oui, mais non, mais bon, il faut quand même bien se rendre compte que c'est pas facile. Donc en fait, les gens ne sont pas nécessairement ouverts à une discussion. C'est juste que j'avais plus le sentiment maintenant à Bruxelles que ça s'ouvrait un peu plus le sujet de migration dans le monde théâtre ou artiste, mais peut-être il y a quand même peut-être certaines limites au sujet aussi, parce que c'est vrai qu'ouvrir les frontières, c'est là que ça bloque. Mais en fait, comme tu dis, c'est dans le monde théâtre, en fait, dans le milieu artistique, dans le milieu politiquement engagé, dans le milieu du militantisme, effectivement, c'est extrêmement ouvert. Je pense que Bruxelles est même particulièrement ouvert. Mais par contre, si tu sors un petit peu de ce milieu, ben, tu es très vite... et en fait, c'est la plus grande partie du public. De la population. Oui, oui. Donc, c'est... Et toujours, c'est très étonnant parce que Bruxelles finalement est, on va dire, la première touchée par l'afflux de réfugiés. Et pourtant, On voit que, bah, au résultat des élections, Bruxelles s'en sort vachement bien au point de vue, au point de vue de tolérance. Bon, je suis pas écolo, je suis pas PTB, je suis pas PS, comme j'ai dit là tantôt, mais finalement, dans les élections, ça s'en sort vachement bien. Enfin, je veux dire, quand on voit le score de l'extrême droite en Flandre, je trouve que, point de vue Bruxelles et Belgique francophone, putain, on s'en sort vachement bien. Il y a vraiment zéro élu d'extrême droite. Ils l'ont eu en cul. Ils ont même démissionné quand Modric Amène a démissionné. De Steyx a démissionné aussi. C'est quand même allez, quelque part une. J'aime pas le côté signal fort parce que les élections, on dit toujours c'est un signal fort de l'électeur, machin et tout ça, tac tac. Alors qu'en fait, ils ont juste pas été élus et puis tant pis pour leur gueule et tant mieux pour notre gueule à nous. Et même ils avaient deux élus, le Parti populaire, ils ont sauté quoi. Donc même, ils ont même démissionné et tout, ça génial. Wallonie, terre d'accueil, tout ça, c'est un chouette truc. Voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire encore? Merde, je suis un peu bourré. Je vais laisser Laurence parler. On parlait de la censure. À Laurence de parler, alors. On va faire une petite pause musicale, il y a un moyen aussi. Hein. Pour nos auditeurs, les tristes qui veulent aller... Oui, c'est ça. Number 7. talk about revolution. Oh, that's fine. But what are you going to be doing come the time? Are you gonna be the big man for Tommy Gunn? We talk of freedom when the blood begins to run. Freedom has no value if violence is the price. I want your revolution, I want anarchy and peace. You talk about buying power, you finance has your soul. You speak of liberation, and when the people rule, well, ain't it people rule right now with villains for their feet? Just another 7 minutes, their rifles are to me. But what about those people who don't want your new restrictions? Those who disagree with you and have their own convictions. You say they've got it wrong because they don't agree with you. So when the revolution comes, you have to run through. You say that revolution means freedom for us all. Well, freedom just ain't freedom when your back's against the wall. You talk about buying power, with violence that's your tool. You speak of liberation, and when the people rule, well, only people rule right now with doing for their fate. Just another 7 minutes, their rifles start to make. Will you indoctrinate the masses to serve your new regime? And simply do away with those whose views are too extreme. Transportation details can be left to British Rail, where Cyclone B succeeded, Norsi Gas will fail. It's just the same old story of man destroying man. You've got to look for other answers to the problems of this land. You talk about great power, with violence as your soul. You speak of liberation, and when the people rule, well, ain't it people rule right now, we're doing for their fate. Just another 7 minutes, they're off with us on me. Take it. assassinated. It's just the same fascistic games, but the rules aren't clearly stated. Nothing's really different, because all government's the same. They can call it freedom, but slavery is the game. There's nothing that you offer but a dream of last year's hero. The truth of revolution, brother. Brother, brother, brother, brother, brother. Bon, chouette, là, ce morceau de musique. C'est vous qui vont l'emmener ? Non. Ah, non. Non, ah, ouais. Ah, bah, voilà. Bon, ça tombe bien. Au sujet. Ouais. Ben voilà, on était peut-être aux programmations pour parler déjà la date de début de l'expo et la période et comment ça. Ça okay. s'est établi, ouais. Oui. Alors, la date du vernissage, c'est le 20 juin, pardon, et ça termine le 27 juillet. On se situe à Saint-Gilles, vraiment près de la barrière, au 236 chaussée de Waterloo. C'est juste en face du métro Horta. Ah ouais, là, c'est plus en face que ça, c'est pas possible. Tu sors de la station de métro et tu tombes sur nous. Donc, voilà. C'est vraiment pas mal. Mais je ne suis pas certain qu'on ait vraiment parlé de l'expo avant. On ne l'a pas fait un peu en aparté entre nous, non ? On a parlé du côté vraiment collectif de d'exposition. Mm-hmm. Oui, ouais. Ah, d'accord. Non, pas encore. Non. Ah, pas on n'a pas encore parlé. Voilà, il me semblait mais bien. Oui, c'est pour ça que je dis comment ça s'est établi, votre voilà, expo, voilà, comment bien, ça déroule. Laurence, ça va dérouler. Laurence en parle très, très, très bien. Donc, je vais la laisser faire. Ouais. Donc, en fait, cette expo, elle est au départ, on pensait faire un peu comme on a fait depuis quelques mois, une expo de quelques artistes qui restent pendant 6 semaines et elles ne bougent pas. Et puis, on était sur la terrasse. On a instauré une petite terrasse bien sympathique juste devant chez nous. Et on était en train de parler avec pas mal de personnes. C'est parti en couille, quoi. C'est parti dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'on a décidé que cette expo allait être ultra collective et qu'elle allait bouger. Donc s'il y a des artistes qui ont encore envie de nous proposer des choses, ben, c'est encore possible. Même si, ben, effectivement, le flyer, il est fait. Mais par contre, il est tout à fait possible de se rajouter, de proposer certaines choses. Certains artistes ont l'intention d'exposer au plafond. Donc voilà, allez-y, quoi. N'ayez pas peur. Il y a une petite cour, pas grande, mais tout est possible, quoi. Et toute forme d'art est possible. D'ailleurs, nos bords d'art, c'est un peu pour ça, d'ailleurs. C'est qu'on a envie que les arts se mélangent. Il n'y a pas une manière de parler, il n'y a pas une manière d'exprimer, de ressentir, il y a plein de manières de sensibilités différentes. Donc il y aura des installations. Des installations qui ont été faites par des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des installations. Il y a des photographes, il y a des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, quelqu'un qui a fait un film. Une performance. On n'a pas encore beaucoup de performances. C'est quelque chose qu'on aime vraiment bien, mais on recherche et on est très ouvert. Donc n'hésitez pas à proposer. Et alors, d'après ce que je sais, c'est que votre galerie, elle ouvre que le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, non ? Non. Oui, mais écoute, pas le dimanche. Officiellement. Mais on ouvre effectivement le jeudi. Le terme galerie est un peu. On n'aime pas tellement le votre terme. Votre espace, le voilà, lieu. Oui, parce que c'est beaucoup plus. Ça nous colle une étiquette galériste. On est nous-mêmes. Quand on parle, nous, on est aussi en train de parler de galerie, alors qu'en fait, on n'est pas galériste, quoi. Donc. Voilà, c'est pas comme à l'avenue Louise où ils vont exposer des œuvres d'art d'artistes qui sont cotés, qui machin et tout ça. On s'en branle de la cotation de l'artiste, de machin ou quoi. On a envie d'exposer des gens qui ont des choses à dire. Et pour ça, justement, l'idée d'exposer par thématique est super. Je reprends cette expo-ci, Novisa pour le monde. ça a suscité un enthousiasme dingue. On est, je crois, 17 artistes qui vont venir exposer dans notre tout petit endroit. Et on leur a dit, mais écoutez, vous pourrez mettre un ou deux trucs, mais il faudrait vraiment que ça soit fort et que ça soit interpellant. Et on a eu tellement de propositions, avec tellement de gens enthousiastes dans l'idée militante, quelque part, qu'on s'est dit, waouh, là... On a expliqué aux gens, après, enfin aux artistes surtout, écoutez, votre nom, il ne va pas être mis en avant, c'est le thème qui est le plus important. Et donc, si vous êtes d'accord de passer votre petit ego ou votre gros ego ou n'importe quoi derrière le thème, c'est super. Vous êtes tous les bienvenus et y a plein de gens qui nous ont dit, mais moi, je vais même créer un truc rien que pour ça, parce que c'est... parce que ça m'interpelle, parce que j'ai envie de participer à ça. Et là, c'est splendide, c'est juste super. Et on a rappelé plusieurs personnes qui, quand des gens passent à nos bords d'art, souvent, on a des discussions sans fin qui nous mènent à refaire le monde. De manière plus ou moins et justement de manière extrêmement concrète, les horaires, normalement c'est le jeudi et vendredi de 17h à 22h et le samedi de 14h à 22h. On ouvre effectivement à ces heures-là, mais on ne ferme jamais à ces heures-là. Ça n'a pas encore arrivé, je crois. Oui, mais par contre, on ouvre toujours à la bonne heure. Quoi. Là, on est strict sur l'horaire. On n'est pas vraiment comme certaines émissions radio qui parfois sont un peu laxistes sur le démarrage. Nous, on ouvre à l'heure, mais on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Et là, on se rejoint. Là, on se rejoint tout à fait. Quoi. Voilà. Ok. Vous voulez donner déjà un peu quelques exemples comme... des performances ou des artistes qui sont déjà proposés, juste pour donner une idée concrète que les gens peuvent s'imaginer de quoi on parle. Alors voilà, justement, quand on parle de gens qui passent à nos bords d'art et qui restent à discuter jusqu'au bout de la nuit, parfois jusqu'au bout du bout de la nuit, on a rencontré Maria, par exemple. Et ça, c'est très très chouette. C'est une... Je ne sais plus exactement... d'où elle vient, c'est une Latina. Oui. Et elle nous le rappellera. C'était à deux, donc elle et son compagnon. Qui lui est aussi latino, mais il vit à Los Angeles, il a la nationalité américaine. Et elle a fait tout le parcours de migration. Et elle a une performance qu'elle nous a proposée ce soir-là. On l'a rencontrée pour la première fois. Elle était passée par hasard devant notre no board art, notre petit truc. Et ils étaient rentrés tous les deux, et puis on a commencé à boire des coups ensemble, à discuter. Et puis elle nous a dit, voilà, moi j'ai une performance, je suis danseuse. Lui aussi est danseur, son compagnon. Et, attention, pas n'importe quoi, il est dans le ballet de Gerstmacher. Voilà, c'est pas de la daube, comme on dit. Mais toujours est-il, Maria nous a expliqué sa performance, qui est, elle se fait une robe avec tous les papiers les témoignages et démarches administratives qu'elle a dû faire et subir pour avoir enfin le droit de passer la frontière. N'explique peut-être pas trop. Je ne vais peut-être pas tout expliquer, mais toujours est-il, au fur et à mesure, sa robe se délite quand elle passe les étapes administratives. Et qu'au final, il reste une personne derrière tous ces papiers, derrière toute cette démarche. Voilà, et que c'est une personne, une humaine, qui n'a pas nécessairement demandé à s'exiler. Oh putain, j'aime bien ce terme. Je suis content que Jonathan nous ait mis ça. Quoi, c'est un rappeur, hein, il connaît bien les mots. Oui, bah, c'est super. Et donc, voilà, et ça, c'est une performance, à mon avis, très très forte. Elle est d'un enthousiasme terrible pour venir le faire à nos bordards. Elle nous a proposé même plusieurs dates. Ok, et donc c'est ça aussi. Donc, c'est plusieurs dates. Donc, même si tu ne peux pas venir un certain jour, il y a des choses qui se répètent. Mais on est toujours prêts à la prévue. Ouais. Mais il y aura quand même une programmation qui sera faite. Alors, on est un peu... on est plutôt assez... comment dirais-je... spontané. Mmh. Hein, y a une programmation qui est faite, mais toute la programmation n'est pas faite. Et en général, mais par contre, on prévient. Hein, donc, y a des choses là qui sont en train de se discuter. Il n'y a pas encore une date qui est fixée. Par exemple, le film en relation avec les sans-papiers et la ZAD de Aaron, on n'a pas encore une date pour la projection. Elle va se faire. Par contre, on peut être suivi sur Facebook et alors aussi par mail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail si vous n'êtes pas sur Facebook. Donc, notre adresse mail, je peux la donner, en fait, c'est nobordart, N-O-B-A-R-D-A-R-T. Okay. Tu t'es pas trompé, là B-O-R. Mais le mail... Donc, N-O-B-O-R-D-A-R-T @outlook.com. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est l'adresse mail. Donc, on peut le mettre sur le blog aussi. Et on est sur Facebook. Alors, on aimerait bien se mettre sur d'autres réseaux sociaux, mais bon, on n'est pas encore très doué par rapport à ça. Donc, on y arrivera un jour. Indymedia à Bruxelles. Bah, de toute façon, je pense que c'est un lieu pour passer une journée, si tu as le temps. Voilà. Et on verra bien qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est ça, non ? Alors, on va bientôt mettre aussi tout ce qui va se passer. On est en train de préparer de manière artisanale une petite... comment dire ? Un visuel sur notre devanture. Mais c'est de manière artisanale. Donc, voilà. Mais ça va se faire. Ouais. Ok. Et vous allez faire donc 6 semaines et vous allez faire ça à 2, c'est ça ou Oui. Parce que c'est quand même assez costaud comme. Mais là, ça fait des mois qu'on est dans ce rythme-là. Il ne faut pas faire un appel aux bénévoles. Ah ben. je sais pas, hein, mais bon. On a déjà 2-3 personnes qui nous aident. Hein, notamment, nous avons Svonok qui nous aide pour les flyers. Nous avons une amie qui vient nous aider pour le bar ce week-end. Il y a notre fille qui vient nous aider aussi. Sinon, en dehors de ça... Non, mais il y a de plus en plus de monde. Ma vie qui va s'adhérer aussi, parce qu'une fois que tu es là, il y a moyen de participer et de donner un coup de main. Ouais, mais ça fait que 6 mois que nous sommes là aussi. Hein, donc, Mais effectivement, pour l'instant, ça pèse un peu beaucoup sur nos deux frêles épaules. Et oui, c'est vrai qu'il y a des moments où on fatigue un peu, mais c'est rien, on a l'enthousiasme. Mais c'est juste, dis, c'est peut-être le moment pour aussi tout à fait venir. C'est une très très bonne idée. Donc, envie de donner un coup de main. On est très très très contents d'accueillir des gens qui ont envie de mettre de l'énergie dans notre projet. Ouais. Bah, c'est plus votre projet parce que c'est un projet collectif. Tout à fait. Oui, mais là, tout vient en fait du problème aussi. On peut poser le problème du collectif. Quoi. Ouais. C'est vraiment tellement difficile de monter un truc collectif. On a essayé. Hein, donc On a essayé de faire ça. Je peux parler de ça comme je peux parler de. Allez. On est beaucoup dans l'idée prix libre. Mais bordel, les gens, rendez-vous compte, prix libre, ça ne veut pas dire mettre 12 centimes dans une caisse. Rendez-vous compte que parfois, on met 3 jours à organiser les trucs. Et attends, prix libre, ce n'est même pas pour nous. Hein, parce que quand même, prix libre, c'est pour les artistes. En fait, on fait un chapeau et... Ce que je veux dire, c'est quand on réalise un truc et qu'on fait une entrée prix libre, c'est parfois... Mais, désespérant de se dire, mais merde, c'est quoi ça? Il y a 120 personnes et il y a 12 euros, 15 euros dans la caisse, je gère à peine. Hein. Mais c'est vrai. Parce que ça n'est pas partout comme ça. Hein. Non, mais... Non, alors ça on l'a déjà fait peut-être. Ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, ça m'a été pire. Peut-être oui. C'est aussi parce que les gens ne connaissent pas encore bien le concept de prix libre. Parce que dans les lieux où ils connaissent bien le prix libre... C'est pour ça que je voudrais lancer un appel dans l'idée, mais soyez conscients dans le prix libre que voilà... C'est vrai que de temps en temps, de plus en plus, on voit ça aussi quand on dit prix libre, prix indicatif, oui, 3 voilà, euros, voilà, 5 voilà, euros. Voilà, voilà, c'est voilà, vrai que ça voilà, veut dire que, voilà. Pour être, que ça ne marche pas tout à fait, que les gens ne comprennent pas. Oui, non je, plus, comprends, je comprends très bien concept, que quelqu'un qui n'a pas un rond puisse ne pas mettre un rond. Quoi. Oui, bien sûr. C'est ça l'idée. Voilà, oui. C'est ça l'idée, mais... Que les autres font quand même un effort. Si on mettait un prix fixe, il paierait le prix fixe. C'est vraiment parfois un peu chiant. Enfin bon, on va pas se... Non, non, bah, c'est bien d'expliquer le concept de prix libre, voilà. Donc, voilà. Ouais, je pense qu'il faut toujours le réexpliquer. Parce que, attention, parce qu'à côté de ça, il y a parfois des personnes qui mettent quelque chose d'assez impressionnant. C'est ça le truc de prix. Ouais. Selon les moyens. Voilà. Coloniser l'ensemble de la conscience des esclaves est le grand objectif de notre triste époque. Ils doivent oublier leurs conditions serviles. Chaque parcelle de ce monde est la propriété d'un État. D'un État ou d'un particulier. Ce vol social se trouve matérialisé dans l'omniprésence des murs, des barreaux, des clôtures, des barrières et des frontières. Un monde sordide, sans saveur ni odeur. mais ils sont sous surveillance. Toute forme de rébellion est de fait assimilée à une activité terroriste. N'avait pu faire avant lui, unifier le monde à son image. Voilà, donc nous nous retrouvons toujours sur l'émission Tranche d'Anard, anarchiste de Radio Air Libre. On en était où? Où nous en étions? Vous m'aviez demandé la programmation, donc je peux peut-être vous donner quelques noms. Je ne les ai pas tous comme ça, mais je peux vous donner quelques noms d'artistes. Il y a, il va y avoir Lisette Delos, il va y avoir Alan Tex, il va y avoir Vincent Pille, Maria Pereda. Ils sont vachement nombreux. Et je vous dis, si vous avez des choses à nous proposer, n'hésitez pas. Donc il y a encore la place. On en fera. Ok, d'accord, c'est ça. Et il y aura probablement peut-être Jonathan qui va venir. Qui sait, ça serait super parce que... Mais il faut qu'il se présente ou il faut faire quoi? Déjà, moi, je n'ai pas son adresse mail. Je ne suis pas sûre de me souvenir de son nom, Jonathan. Je peux l'envoyer, oui. Oui. Mmh. Je peux le contacter et puis, ou sinon qu'il n'hésite pas à me contacter s'il nous écoute. Ouais, ok. Donc c'est comme ça. Donc voilà, les artistes, vous contacterez et vous fixez un rendez-vous et vous parlez un peu de... Nous, on fonctionne souvent par des thématiques avec des appels à candidature, mais quand il y a un artiste qui me semble vraiment correspondre totalement, comme moi, on lui envoie un message en lui disant on te propose ça, quoi. Donc en fait, les deux sont possibles. Soit la personne nous contacte, soit nous on trouve des artistes qui Mais c'est la première fois que vous faites une exposition, une exposition aussi longue en durée ? Non, en fait, on a commencé en décembre avec une exposition de 3 semaines et on a commencé sur une thématique. Mais là, on était un peu dans l'urgence. On a reçu les clés genre 10 jours avant. Il a fallu repeindre, il a fallu faire l'éclairage, les cimaises, tout ça. Et donc, on a fait les deux artistes qui étaient là, ils ont été un peu malmené parce qu'on n'était pas totalement prêt, mais c'était une expo qui était sur, ça s'appelait Mieux vaut en rire, parce qu'on s'était dit le climat politique c'est catastrophique, on était carrément écœurés, effrayés, il n'y a pas de mots pour dire tout ce qu'on peut ressentir par rapport à ça, mais en même temps on commençait un chouette projet, donc on s'était dit on va commencer une thématique Mieux vaut en rire. Et alors Bruno parce que Bruno est celui qui écrit, parce que c'est lui qui écrit super bien. Bruno a écrit un texte pour l'appel à candidature qui était vraiment très, très, très chouette. On est tous bien conscients de ce qui se passe politiquement maintenant, mais en même temps, faut vivre, faut rire, faut... Et c'est comme ça que la première thématique a été envoyée, c'était Mieux vaut en rire. La deuxième expo, c'était un artiste qu'on a adoré, qui s'appelle Luc Noël, et qui correspondait totalement à la thématique Mieux vaut en rire, mais il est arrivé un petit peu trop tard aussi au niveau de l'appel à candidature. Et donc on a fait une expo juste pour lui de 6 semaines. Et donc c'était « Et on en rit encore ». La troisième, alors il y a eu une expo de un week-end, parce que c'est des artistes qui nous ont contactés grâce à Lisette Delos, que tu connais très bien. Donc c'était les Kill Martin. Et c'était en rapport, enfin c'était un instituteur maternel qui était choqué par la littérature enfantine. Et il était dans une école à discrimination positive. Et la lecture de ces écoles-là, c'était des Martin. Donc il a refait la bibliothèque des Martin. Et il a fait un concert. Il a fait... Je vais expliquer. En fait... L'idée de Martine à la plage, de Martine fait la vaisselle, de Martine fait... cette idée de petite fille parfaite le gonflait complètement. Donc il a fait un groupe rock'n'roll qui s'appelle Kill Martine. Les choses sont assez claires. Et là, on a laissé les clés. On a entendu son idée, on lui dit, tiens, voilà, on te laisse les clés de nos bordards. Tu fais ce que tu veux pendant un week-end. Et il a fait ce qu'il voulait pendant le week-end. Et donc, ça a été un concert du groupe Kill Martin. Expo aussi, avec des images de Martin détournées. Avec le conte musical de Kill Martin, qui, je peux l'exprimer un peu en deux mots, le début sans spoiler, comme on dit. En gros, c'est Martine maintenant assez grande que pour aller se coucher seule. Donc, ses parents en profitent pour partir dans une partouze clandestine. Mais Martine se retrouve toute seule et elle est quand même encore un peu angoissée. Donc, elle peut prendre une petite pilule ou l'autre petite pilule, elle ne sait plus très bien. Donc, elle va dans la pharmacie, elle en prend plusieurs, elle prend toutes. Et ça commence comme ça. Et ça dure 45 minutes. Et c'est, si vous avez l'occasion de les voir, un conte musical qui dure 45 minutes, un conte musical rock'n'roll qui dure 45 minutes. Si vous avez l'occasion de les voir passer, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Et donc là, oui, vas-y. Après cette expo-là, cette expo-concert performance, il y a eu une expo qui s'appelait « Qu'est-ce que sexe a ?» C'était une expo de Alan Tex et moi j'exposais, donc Laurence Do, on exposait à deux. Et donc c'était vraiment, on re-questionne ça. Je crois qu'on n'avait pas trop de tabous, donc on y est allé. Ça a été 6 semaines aussi. Et juste après, c'était l'expo qui vient de terminer ce week-end, c'était L'envers du décor. Donc, il y a ce qu'on nous montre, ce qu'on nous cache, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on n'a pas envie de voir. Et des artistes peuvent faire transparaître la vérité à travers la vérité officielle. Et donc, on avait envie de montrer ça dans cette expo-là. C'est ça qui s'est passé. Voilà. On a encore plein d'autres thématiques sous vous n'avez vraiment pas arrêté. Hein. Vraiment, on n'a pas arrêté. Surtout que ce week-end-ci, on a un week-end... Mm-hmm. Par contre, ça sort un peu de notre contexte habituel. C'est un week-end steampunk de 4 jours. Ça dure 4 jours. Et c'est... Steampunk, ça veut dire quoi ? Bon, le steampunk est un mouvement un peu... esthétique, on va dire, qui c'est pas tout à fait notre tasse de thé tout à fait, sauf que dans steampunk il y a quand même punk. C'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. Et en fait, c'est un festival, Pinkster and Steampunk, qui est mené par le Centre d'art fantastique. Ça va, c'est pas la pire des personnes. Michel, il est chouette, que vraiment ça. Et c'est gay. Et puis il nous a demandé si. Si on pouvait mettre notre lieu à disposition pour le parcours Pinkster Run Steampunk. On a dit, bah, écoute, on n'a pas d'expo à ce moment-là. Bon, oui, pourquoi pas. Puis, comme et on dit, a trouvé dans... des super artistes. Voilà, parce que dans Steampunk, il y a punk. Et puis nous, on a été un peu dans le punk. Voilà. Et, vous avez donné une autre cachette. truc. Ben voilà, mais sinon, bon, pour être clair, le Steampunk, c'est un mouvement esthétique qui est un peu... comment on dirait il y avait un terme pas mal rétrofuturiste, donc c'est un peu l'imagerie ouais. L'imagerie à la Jules Verne comme ça ou alors ils sont bien tous allumés quoi, des films comme la Cité des Enfants Perdus c'est le futur vu par le passé. Donc, ce qu'on voyait comme hyper technologique au 19e, alors qu'on est, on est vraiment loin maintenant, c'est carrément du... Mais voilà, c'est un truc qui nous paraît sympa. Et puis voilà. Par contre, la prochaine thématique qui se passera en septembre est quelque chose qui nous tient très, très, très fort à cœur. C'est en rapport avec l'homophobie, mais sauf qu'en fait, nous ne sommes pas d'accord avec le terme d'homophobie. Mmh. Et donc, on remet en question le terme de l'homophobie. On prend un peu de retard par rapport à ça. Oui. Mais, on n'a toujours pas trouvé le thème de l'expo, en fait. On n'a pas encore trouvé, mais par contre, on sait de quoi on va parler. C'est-à-dire, c'est parti d'une discussion avec un ami de ma fille... Et qui lui est homosexuel, mais ça on s'en branle, mais par contre il est très très militant et il avait débarqué chez nous au moment de l'élection de Bolsonaro, et là ça devenait vraiment affolant, toutes ces personnes, après Trump, après Orban, après Erdogan, on se retrouve avec maintenant Bolsonaro, qui lui est clairement un fasciste. On va dire, mais c'est carrément une politique nazie par rapport aux homosexuels, qui veut leur éradication, qui... Comme les nazis, les foutaient dans les camps de concentration, quoi. Et c'est non seulement abominable, mais on se rend compte que de tout ça, mais c'est un programme homophobe. Programme homophobe. Là, moi, je lui ai dit, c'est moi qui lui ai dit, écoute, Brian, moi, le terme homophobe pour un programme politique, ça ne me va pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Homophobie, bon, il y a peut-être des gens qui sont homophobes. Bon, tant pis. Moi, je suis arachnophobe, par exemple. Voilà. Par exemple, Laurence est arachnophobe. Il y a des gens qui sont agoraphobes. Il y a des gens qui sont... des phobies, oui, on peut tous en avoir. Mais par contre, quand un programme politique prône la haine d'une catégorie de population, on ne peut pas dire, ça, c'est un parti homophobe. Homophobe, quoi. On va tous les envoyer chez le psychiatre pour se faire soigner par du comportementalisme, par je sais pas moi, de l'hypnose, par un truc comme ça. On va dire, c'est pas de leur faute, c'est des phobies. Non, c'est pas vrai. C'est de la haine. C'est de la haine. Et il faut appeler la haine la haine. On appelle du racisme, on appelle de l'antisémitisme, on appelle de l'homophobie. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas la même chose. Oh, il y a des homophobes. Il y a des homophobes. On ne remet pas en question le fait qu'il n'y ait pas des homophobes. Mais quand il y a quand il y a un régime, quand il y a un régime qui prône, la haine des homosexuels, là, on n'est pas dans l'homophobie. On ne peut pas dire qu'ils ont un programme homophobe. Mais non, mais non, c'est complètement débile. Déjà, le terme homophobe, étymologiquement, ne veut absolument rien dire. Voilà, on en a fait un terme parce qu'il y a homo et parce qu'il y a phobie. Mais sinon, homophobe, au sens propre étymologique, ça veut dire la peur de la même chose. Mais c'est comme islamophobie. Hein. Mais c'est vrai qu'on utilise phobie pour tout. Et donc, tout à fait donc, vrai pour pas donc, dire vraiment donc, qu'on et donc, est la on a, on a, on a, on a, on a cherché avec Brian. On était à trois hein, avec ce jeune quoi. Il a 23-24 ans. Hein. Et on a cherché quoi. On a cherché un truc qui pourrait correspondre à la haine de l'homosexualité ou de l'homosexuel ou de l'homosexualisme. Enfin bref, on s'en fout un peu. Et on a cherché. Finalement, on a trouvé dans les préfixes et les suffixes du Larousse à l'ancienne. Hein, voilà, on a fait dans. On a trouvé le préfixe miso. Ou mise. La misogynie, la misandrie. Et le préfixe miso, c'est la haine de. Mm-hmm. Voilà, les choses sont simples, sont claires. Et effectivement, mise homosexuel, c'est un peu long à dire. C'est vrai, mais au moins. C'est clair. Alors, quoi ? Alors je vous avoue qu'on pensait. On pensait qu'on avait trouvé un terme. On a trouvé un nouveau terme. Ben non, en fait. Ce terme existait déjà. Mais ce n'est pas très connu non plus. Il a fallu trois pages de référence Google pour retrouver un truc qui parle de ça. C'est une compagnie théâtrale française, la Compagnie des Ogres, je crois, qui a fait un spectacle sur le mis-homosexualisme. Et il faut leur rendre hommage. Mais on n'a rien trouvé d'autre. Et toutes les assos de lutte contre l'homophobie sont des assos de lutte contre l'homophobie. Et pourtant, quand on rentre dans un registre politique ou beaucoup plus général, religieux même, ou n'importe quoi, mais quand on ne rentre pas dans une personne, je pense que les phobies peuvent se greffer sur une personne, quelqu'un peut être homophobe, c'est possible, ça, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Quelqu'un peut être homophobe pour lui-même, pour elle-même, et autant se faire soigner, c'est possible qu'elle se fasse soigner ou qu'il se fasse soigner. Mais un régime politique ne peut pas être homophobe. Un régime politique qui prône la haine de l'homosexuel, c'est... le seul régime qu'on ait connu qui était jusqu'au bout, c'est le régime nazi, qui mettait les homosexuels dans les camps de concentration. Donc on ne peut pas parler d'un régime nazi, on ne va pas mettre tout le parti nazi chez le psychiatre, il serait complètement débordé, et c'est pas juste, c'est pas des malades, c'est seulement un parti qui a utilisé la peur de... pour créer la haine de, comme la xénophobie est utilisée pour créer la haine de l'étranger, comme toutes ces merdes d'extrême droite utilisent les peurs pour créer des haines. Voilà. Et donc on a envie de faire un sujet là-dessus aussi. Et c'est une expo qu'on va mettre en place avec Brian. C'est pour ça qu'on cite son nom, on n'a pas de souci par rapport à ça, parce qu'il est dans le projet complètement de mettre ça. Et de nouveau, hein, toute personne qui a envie de se joindre à ça, c'est super. Hein, mais voilà, on n'a pas encore trouvé comment amener le sujet, en fait, parce que c'est complexe. Quoi. Vous mettez votre terrasse dehors. Et comme d'hab. Il y a des gens qui passent. Ils sont déjà maintenant en train de réfléchir là-dessus. C'est déjà arrivé. Je tombe plus sur son nom, mais un des administrateurs de Tel Quel qui est passé chez nous. On a parlé de ça. Il nous a dit « Waouh ». Mais effectivement, ça me parle très fort. Et le questionnement aussi va plus loin. Comment justement Tel Quel la Rainbow Rose et tout ça, continue à parler d'homophobie, alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Brian, il a pleuré quand on a trouvé le terme. Il nous a dit que c'était la première fois qu'il avait le sentiment d'avoir un vrai terme par rapport à ce qu'il vivait. Mmh. Mais il était dans la recherche avec nous. Hein. Enfin, je veux dire, il était complètement partie prenante dans cette recherche. Mais tout d'un coup, c'était comme un truc qui lui tombait sur la gueule. Voilà, ouais. Il y a un mot. Quoi. Ce que je vis, c'est de la haine. C'est de la haine vis-à-vis de moi. C'est de la haine que je vis au quotidien. Et alors, par rapport justement au sans-papiers, il y a, je ne vais pas citer son nom par contre, mais il nous a présenté quelqu'un qui est sans-papiers, qui maintenant va avoir les papiers, qui vit dans un centre à Tournai et qui vit dans le centre même, alors qui a vécu dans son propre pays, forcément... Des choses horribles par rapport à ça. Au départ, il est tunisien. C'est un jeune tunisien qui a été pris, pour mettre un peu en contexte, il a été pris en flagrant délit d'homosexualité dans une voiture avec son copain. Et du coup, il s'est fait arrêter par les flics parce qu'en Tunisie, l'homosexualité est interdite. Il a subi le test anal pour vérifier qu'il était bien homosexuel. Voilà. Ce qui lui a valu la stigmatisation non seulement de sa famille, mais de tout le quartier, de tout le village. Quand il est sorti de l'endroit où il a été testé, donc chez les flics, il est retourné dans son village. C'est le village entier qu'il a ostracisé, donc, dont sa famille. Voilà. Donc il est réfugié politique maintenant, ici en Belgique. Il est réfugié politique, mais il est réfugié politique pour homosexualité. Quoi. Donc vraiment, je trouve ça abominable ce qu'il a vécu. Il nous a raconté tout ça maintenant. Il trouve qu'on est sa famille, c'est un gars adorable, c'est un jeune adorable. Mais qui maintenant, en centre, vit des choses aussi terribles parce que l'homosexualité est tellement voilà. Donc en tant que ouais. Ça, j'ai demandeur d'asile homosexuel, j'ai jamais compris qu'on met des gens ensemble dans cette situation là. Non, du tout, je ne comprends pas non plus. C'est vraiment pas prendre au sérieux du tout. Non, parce que clairement, il se retrouve parmi des personnes qui ne sont pas ouvertes à ça. Non, qui sont mises homosexuelles. Mises homosexuelles. Voilà. On va reprendre. Et donc, le terme, il vit ici en Belgique, dans le centre. Il vit. C'est qu'il harcèlement. En fuit. Par contre, il a probablement ses papiers depuis. En fait, il a ses papiers depuis. Donc, il a été accepté chez les Belges. Mais normalement depuis, il a gagné. Quoi. Depuis un mois. Voilà. Oui, mais quand même, tout ce qu'il a dû subir jusqu'à être reconnu comme. Sa situation. Et surtout, il a dû cacher. Sa condition, son genre, son homosexualité. Donc, pour nous aussi, ce sont des thèmes qui se retrouvent aussi, parce que ce sont des personnes qui forcément sont arrivées ici par rapport à un parcours qui est carrément horrible, enfin dangereux, où ces personnes risquent leur vie par rapport à leur choix, enfin leur identité, je ne sais même pas comment dire. Il n'y a pas de terme, mais quand ils arrivent ici, ils sont encore dans cette souffrance d'ostracisation, d'ostracisme. C'est pas grave. Je me pose la question. Il y a encore beaucoup de mots à réfléchir. Voilà. Même les sans-papiers. Le mot fait. Sans-papiers aussi. Tout à fait. Parce que les gens ne se reconnaissent pas là-dedans non plus. Non. Ouais. Il y a plein de mots à réfléchir. Tout, en fait, tout ouais. est à réfléchir. Mais d'ailleurs, un des thèmes aussi, c'est la nouvelle langue. Mm-hmm. Ah ouais. Ah, ça, c'est aussi un thème, un thème dont on a envie, on vous envie en parlera à une autre émission, peut-être. Peut-être une autre fois, parce que... Ouais. Parce que si vous commencez à dévoiler tous vos sujets, on n'aura plus d'histoire à raconter après. Mais non, c'est pas une question de ça, parce qu'on a bien envie que des gens viennent. Oui, mais c'est pour ça que je dis, nous proposer chez vous, des trucs. Ouais. Mm-hmm. La nouvelle langue, c'est seulement par exemple, prenons les ceux qui sont. Tu termineras avec ça, Bruno. Voilà, on va terminer avec ça. Ceux qui ceux qui travaillent à l'ONEM, qui sont censés. Ouais, encore un autre sujet. Les gens, on les appelle les facilitateurs. Mm-hmm. Les facilitateurs. Ouais. Oui, donc voilà, c'est eux qui vont te contrôler à l'ONEM et qui vont faire tout pour te virer en tant que chômeur, essayer de te foutre dans la merde le plus possible. Enfin, la novlangue, elle est en plein dans... je veux dire, Orwell n'aurait jamais imaginé que ça soit aussi fort. Ah oui. Je pense. Mmh. Et pourtant, elle est là. Elle est fasciste. Elle est omniprésente. Et donc, il y a plein de choses à dire pour contrer la novlangue, justement. Mmh. Voilà, mais ça, c'est encore un autre sujet. Un autre épisode. Oui. On en reparlera à une autre émission, sûrement. Si on t'emmerde, tu le dis. Oh, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est qu'il est déjà 22h19. On a dépassé. On l'a dépassé. On a commencé plus tard. Mais c'est pas petite musique, on fait l'agenda. On fait l'agenda. Bah, bien, vraiment, merci pour toute l'explication. Ça fait un plaisir et n'hésitez pas à passer nous voir à nos bords d'art. Non, sans problème. Donc les gens passent jeudi, vendredi, samedi. Alors c'est le week-end prochain, c'est un week-end où on ferme parce qu'on est sur les genoux. Le week-end en 8. Le week-end prochain. Non, mais si les gens passent, le week-end prochain, nous sommes fermés. Non. Le week-end prochain, on est ouvert. Le week-end prochain, c'est maintenant. Le week-end prochain, c'est maintenant. C'est le steampunk, c'est le week-end d'après. Le week-end d'après, on est fermé. Bon, écoutez-le, il est plus sûr que moi. Donc, le week-end prochain, on est ouvert. Je confirme. Je regarde, j'ai l'agenda devant moi. J'ai Laurence qui est rouge à côté de moi. Voilà. Donc le week-end prochain, on est ouvert. Bon. Mais le week-end en 8, comme on dit, on est fermé parce que là, on prend des vacances. Voilà. Et après, vous reprenez pour cette après, semaine. Après, c'est reparti pour nos visas pour le monde. Voilà. Ouais. Et là, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ok. Donc à partir de jeudi 20 à 17h, 18h 18h. Les jeudis et vendredis, on ouvre à partir de 17h jusqu'à théoriquement 22h, mais ça c'est toujours très théorique. Mais gardez le côté théorique, qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent à 23h. les samedis, on ouvre à partir de 14h jusqu'à théoriquement 22h. Donc c'est 17h et 14h le samedi. Voilà. Je pense qu'il faut mettre le programme sur les médias. Voilà. Un grand merci de nous avoir accueillis. Oui, c'était en tout super. Cas, c'est bien. Et vous revenez quand vous voulez. Hein, si vous voulez parler de n'importe quel sujet, c'est avec grand plaisir. Le prochain, c'est la mise homosexuelle. Oui, il faut le revenir. Ouais, il faut revenir. On mettra. Okay. Là, on continuerait pas un peu. Il a l'air de faire vraiment dégueulasse dehors. Mais oui, mais on n'a pas encore terminé. On n'a pas terminé parce qu'il faut encore faire un agenda. Alors, si vous voulez attendre un peu. Ok. Voilà. Un petit musique quand même. Musique. I nursed you like a upside down, half of a big ship drowned. My life weeping to your feet on gallows of love. To kiss into a lie of bliss, shouts with a voice you can't hear, for what you can't bear from words. Vous êtes à l'écoute de... De Transgenal. De Transgenal. De Transgenal.